Robinson Crusoé, chapitre 2. Quand j'eus suivi cette résolution pendant environ 10 jours de plus, comme je l'ai déjà dit, je commençai à m'apercevoir que la côte était habitée, et en 2 ou 3 endroits que nous longions, nous vîmes des gens qui s'arrêtaient sur le rivage pour nous regarder. Nous pouvions aussi distinguer qu'ils étaient entièrement noirs et tout à fait nus. J'eus une fois l'envie de descendre à terre vers eux. Mais Xury fut meilleur conseiller et me dit « Pas aller, pas aller !» Je allai cependant plus près du rivage afin de pouvoir leur parler, et ils me suivirent pendant quelque temps le long de la rive. Je remarquai qu'ils n'avaient point d'armes à la main, un seul excepté qui portait un long et mince bâton, que Xury dit être une lance qu'il pouvait lancer fort loin avec beaucoup de justesse. Je me tins donc à distance. Mais je causai avec eux, par gestes, aussi bien que je pus, et particulièrement pour leur demander quelque chose à manger. Ils me firent signe d'arrêter ma chaloupe, et qu'ils iraient me chercher quelque nourriture. Sur ce, j'abaissai le haut de ma voile. Je m'arrêtai proche, et 2 d'entre eux coururent dans le pays, et en moins d'une demi-heure revinrent, apportant avec eux 2 morceaux de viande sèche et du grain, production de leur contrée. Ni Xury ni moi ne savions ce que c'était. Pourtant, nous étions fort désireux de le recevoir. Mais comment y parvenir? Ce fut là notre embarras. Je n'osais point aller à terre vers eux, qui n'étaient pas moins effrayés de nous. Bref, ils prirent un détour excellent pour nous tous. Ils déposèrent les provisions sur le rivage et se retirèrent à une grande distance, jusqu'à ce que nous les eûmes toutes embarquées, puis ils se rapprochèrent de nous. N'ayant rien à leur donner en échange, nous leur faisions des signes de remerciement, quand tout à coup s'offrit une merveilleuse occasion de les obliger. Tandis que nous étions arrêtés près de la côte, voici venir des montagnes 2 énormes créatures se poursuivant, nous sembla-t-il, avec fureur. Était-ce le mâle qui poursuivait la femelle? Était-il en ébat ou en rage? Il eût été impossible de le dire. Était-ce ordinaire ou étrange? Je ne sais. Toutefois, je pencherai plutôt pour le dernier, parce que ces animaux voraces n'apparaissent guère que la nuit, et parce que nous vîmes la foule horriblement épouvantée, surtout les femmes. L'homme qui portait la lance ou le dard ne prit point la fuite à leur aspect comme tout le reste. Néanmoins, ces 2 créatures coururent droit à la mer, et, ne montrant nulle intention de se jeter sur un seul de ces nègres, elles se plongèrent dans les flots et se mirent à nager, çà et là, comme si elles y étaient venues pour leur divertissement. Enfin, un de ces animaux commença à s'approcher de mon embarcation plus près que je ne m'y serais attendu d'abord. Mais j'étais en garde contre lui, car j'avais chargé mon mousquet avec toute la promptitude possible, et j'avais ordonné à Xury de charger les autres. Dès qu'il fut à la portée, je fis feu, et je le frappai droit à la tête. Aussitôt il s'enfonça dans l'eau, mais aussitôt il reparut, et plongea, et replongea, semblant lutter pour la vie. Ce qui était en effet, car immédiatement il se dirigea vers le rivage, et périt, juste au moment de l'atteindre, tant à cause des coups mortels qu'il avait reçus, que de l'eau qui l'étouffa. Il serait impossible d'exprimer l'étonnement de ces pauvres gens au bruit et au feu de mon mousquet. Quelques-uns d'entre eux faillirent en mourir d'effroi et, comme morts, tombèrent contre terre dans la plus grande terreur. Mais quand ils eurent vu l'animal tué et enfoncé sous l'eau et que je leur eus fait signe de revenir sur le bord, ils prirent du cœur. Ils s'avancèrent vers la rive et se mirent à sa recherche. Son sang, qui teignait l'eau, me le fit découvrir, et à l'aide d'une corde dont je l'entourais et que je donnais au nègre pour le haler, ils le traînèrent au rivage. Là, il se trouva que c'était un léopard des plus curieux, parfaitement moucheté et superbe. Les nègres levaient leurs mains dans l'admiration de penser ce que pouvait être ce avec quoi je l'avais tué. L'autre animal effrayé par l'éclair et la détonation de mon mousquet, regagna la rive à la nage et s'enfuit directement vers les montagnes d'où il était venu. Et je ne pus, à cette distance, reconnaître ce qu'il était. Je m'aperçus bientôt que les nègres étaient disposés à manger la chair du léopard. Aussi voulus-je le leur faire accepter comme une faveur de ma part. Et, quand par mes signes je leur fais savoir qu'ils pouvaient le prendre, ils en furent très reconnaissants. Aussitôt ils se mirent à l'ouvrage et l'écorchèrent avec un morceau de bois affilé, aussi promptement, même plus promptement que nous ne pourrions le faire avec un couteau. Ils m'offrirent de sa chair. J'éludai cette offre, affectant de vouloir la leur abandonner. Mais, par mes signes, leur demandant la peau, qu'ils me donnèrent très franchement, en m'apportant en outre une grande quantité de leurs victuailles que j'acceptai, quoiqu'elles ne fussent inconnues. Alors je leur fis des signes pour avoir de l'eau, et je leur montrai une de mes jarres en la tournant sans dessus dessous, pour faire voir qu'elle était vide et que j'avais besoin qu'elle fût remplie. Aussitôt ils appelèrent quelques-uns des leurs, et deux femmes vinrent, apportant un grand vase de terre, qui, je le suppose, était cuit au soleil. Ainsi que précédemment, ils le déposèrent, pour moi, sur le rivage. J'y envoyai Xuri avec mes jarres, et il les remplit toutes trois. Les femmes étaient aussi complètement nues que les hommes. J'étais alors fourni d'eau, de racines et de grains, quels qu'ils fussent. Je pris congé de mes bons nègres, et sans m'approcher du rivage, je continuai ma course pendant 11 jours environ, avant que je visse devant moi la terre s'avancer bien avant dans l'océan, à la distance environ de 4 ou 5 lieues. Comme la mer était très calme, je me mis au large pour gagner cette pointe. Enfin, la doublant à des lieues de la côte, je vis distinctement des terres à l'opposite. Alors je conclus, au fait cela était indubitable, que d'un côté j'avais le Cap Vert, et de l'autre ces îles qui lui doivent leur nom. Toutefois elles étaient fort éloignées, et je ne savais pas trop ce qu'il fallait que je fisse. Car si j'étais surpris par un coup de vent, je pouvais fort bien atteindre ni l'un ni l'autre. Dans cette perplexité, comme j'étais fort pensif, j'entrai dans la cabine et je m'assis, laissant à Xuri la barre du gouvernail. Quand subitement ce jeune garçon s'écria « Maître, maître, un vaisseau avec une voile !» La frayeur avait mis hors de lui-même ce simple enfant, qui pensait qu'infailliblement c'était un des vaisseaux de son maître envoyé à notre poursuite, tandis que nous étions, comme je ne l'ignorais pas, tout à fait hors de son atteinte. Je m'élançai de ma cabine, et non seulement je vis immédiatement le navire, mais encore je reconnus qu'il était portugais. Je le crus d'abord destiné à faire la traite des nègres sur la côte de Guinée, mais quand j'eus remarqué la route qu'il tenait, je fus bientôt convaincu qu'il avait tout autre destination et que son dessein n'était pas de serrer la terre. Alors je portai le cap au large et je forçai de voile au plus près, résolu de lui parler s'il était possible. Avec toute la voile que je pouvais faire, je vis que jamais je ne viendrais dans ces eaux et qu'il serait passé avant que je pusse lui donner aucun signal. Mais après avoir forcé à tout rompre, comme j'allais perdre espérance, il m'aperçut, sans doute à l'aide de ses lunettes d'approche. Et, reconnaissant que c'était une embarcation européenne, qu'il supposa appartenir à quelque vaisseau naufragé, il diminua de voile afin que je l'atteignisse. Ceci m'encouragea, et comme j'avais à bord le pavillon de mon patron, je le hissai en berne en signal de détresse, et je tirai un coup de mousquet. Ces deux choses furent remarquées, car j'appris plus tard qu'on avait vu la fumée, bien qu'on n'eût pas entendu la détonation. À ces signaux, le navire mit pour moi complaisamment en panne et tint la cape. En 3 heures environ, je le joignis. On me demanda en portugais, puis en espagnol, puis en français, qui j'étais. Mais je ne comprenais aucune de ces langues. À la fin, un matelot écossais qui se trouvait à bord m'interpella. Je lui répondis et lui dis que j'étais anglais et que je venais de m'échapper de l'esclavage des Maures de Salé. Alors on m'invita à venir à bord et on m'y reçut très obligeamment avec tous mes bagages. J'étais dans une joie inexprimable, comme chacun peut le croire, d'être ainsi délivré d'une condition que je regardais comme tout à fait misérable et désespérée. Et je m'empressai d'offrir au capitaine du vaisseau tout ce que je possédais pour prix de ma délivrance. Mais il me répondit généreusement qu'il n'accepterait rien de moi et que tout ce que j'avais me serait rendu intact à mon arrivée au Brésil. « Car, dit-il, je vous ai sauvé la vie comme je serais fort aise qu'on me la sauva. Peut-être m'est-il réservé une fois ou une autre d'être secouru dans une semblable position. En outre, en vous conduisant au Brésil, à une si grande distance de votre pays, si j'acceptais de vous ce que vous pouvez avoir, vous y mourriez de faim. Et alors, je vous reprendrai la vie que je vous ai donnée. Non, non, Seigneur Inglés, c'est-à-dire Monsieur l'Anglais, je veux vous y conduire par pure commisération. Et ces choses-là vous y serviront à payer votre subsistance et votre traversée de retour. » Il fut aussi scrupuleux dans l'accomplissement de ses promesses qu'il avait été charitable dans ses propositions, car il défendit au matelot de toucher à rien de ce qui m'appartenait. Il prit alors le tout en sa garde et m'en donna ensuite un exact inventaire pour que je pusse tout recouvrer, tout, jusqu'à mes 3 jarres de terre. Quant à ma chaloupe, elle était fort bonne. Il le vit et me proposa de l'acheter pour l'usage de son navire, et me demanda ce que j'en voudrais avoir. Je lui répondis qu'il avait été, à mon égard, trop généreux en toutes choses pour que je me permisse de fixer aucun prix et que je m'en rapportais à sa discrétion. Sur quoi, il me dit qu'il me ferait, de sa main, un billet de 80 pièces de 8 payable au Brésil, et que si à ce moment-là quelqu'un m'en offrait davantage, il me tiendrait compte de l'excédent. Il me proposa en outre 60 pièces de 8 pour mon garçon Xury. J'hésitais à les accepter. Non que je répugnasse à le laisser au capitaine, mais à vendre la liberté de ce pauvre enfant qui m'avait aidé si fidèlement à recouvrer la mienne. Cependant, lorsque je lui eus fait savoir ma raison, il la reconnut juste, et me proposa, pour accommodement, de donner au jeune garçon une obligation de le rendre libre au bout de 10 ans s'il voulait se faire chrétien. Sur cela, Xury consentant à le suivre, je l'abandonnai au capitaine. Nous eûmes une très heureuse navigation jusqu'au Brésil, et nous arrivâmes à la Baía de Todos los Santos, ou Baie de Tous les Saints, environ 22 jours après. J'étais alors, pour la seconde fois, délivré de la plus misérable de toutes les conditions de la vie, et j'avais alors à considérer ce que prochainement je devais faire de moi. La généreuse conduite du capitaine à mon égard ne saurait être trop louée. Il ne voulut rien recevoir pour mon passage. Il me donna 20 ducats pour la peau du léopard et 40 pour la peau du lion que j'avais dans ma chaloupe. Il me fit remettre ponctuellement tout ce qui m'appartenait dans son vaisseau et tout ce que j'étais disposé à vendre, il me l'acheta, tel que le bahut aux bouteilles, 2 de mes mousquets, et un morceau restant du bloc de cire vierge dont j'avais fait des chandelles. En un mot, je tirai environ 220 pièces de 8 de toute ma cargaison, et avec ce capital, je mis pied à terre au Brésil. Là, peu de temps après, le capitaine me recommanda dans la maison d'un très honnête homme, comme lui-même, qui avait ce qu'on appelle un ingenio, c'est-à-dire une plantation et une sucrerie. Je vécus quelque temps chez lui, et par ce moyen, je pris connaissance de la manière de planter et de faire le sucre. Voyant la bonne vie que menaient les planteurs et combien ils s'enrichissaient promptement, je résolus, si je pouvais en obtenir la licence, de m'établir parmi eux et de me faire planteur, prenant en même temps la détermination de chercher quelques moyens pour recouvrer l'argent que j'avais laissé à Londres. Dans ce dessein, ayant obtenu une sorte de lettre de naturalisation, j'achetai autant de terres incultes que mon argent me le permit, et je formai un plan pour ma plantation et mon établissement proportionné à la somme que j'espérais recevoir de Londres. J'avais un voisin, un Portugais de Lisbonne, mais né de parents anglais. Son nom était Wells, et il se trouvait à peu près dans les mêmes circonstances que moi. Je l'appelle voisin parce que sa plantation était proche de la mienne et que nous vivions très amicalement. Mon avoir était mince aussi bien que le sien, et pendant environ 2 années, nous ne plantâmes guère que pour notre nourriture. Toutefois, nous commencions à faire des progrès, et notre terre commençait à se bonifier, si bien que la 3e année, nous semâmes du tabac et apprêtâmes l'un et l'autre une grande pièce de terre pour planter des cannes à sucre l'année suivante. Mais tous les deux, nous avions besoin d'aide. Alors je sentis plus que jamais combien j'avais eu tort de me séparer de mon garçon Xury. Mais hélas, avoir fait mal pour moi qui ne faisais jamais bien, ce n'était pas chose étonnante. Il n'y avait d'autre remède que de poursuivre. Je m'étais imposé une occupation tout à fait éloignée de mon esprit naturel et entièrement contraire à la vie que j'aimais et pour laquelle j'avais abandonné la maison de mon père et méprisé tous ses bons avis. Car j'entrais précisément dans la condition moyenne, ce premier rang de la vie inférieure qu'autrefois il m'avait recommandé et que, résolu à suivre, j'eusse pu de même trouver chez nous, sans m'être fatigué à courir le monde. Souvent, je me disais, ce que je fais ici, j'aurais pu le faire tout aussi bien en Angleterre, au milieu de mes amis. Il était inutile pour cela de parcourir 2000 lieues et de venir parmi des étrangers, des sauvages, dans un désert, et à une telle distance que je ne puis recevoir de nouvelles d'aucun lieu du monde où l'on a la moindre connaissance de moi. Ainsi, j'avais coutume de considérer ma position avec le plus grand regret. Je n'avais personne avec qui converser, que de temps en temps mon voisin. Point d'autre ouvrage à faire que par le travail de mes mains. Et je me disais souvent que je vivais tout à fait comme un naufragé jeté sur quelque île déserte et entièrement livré à lui-même. Combien cela était juste! Et combien tout homme devrait réfléchir que, tandis qu'il compare sa situation présente à d'autres qui sont pires, le ciel pourrait l'obliger à en faire l'échange et le convaincre par sa propre expérience de sa félicité première. Combien il était juste, dis-je, que cette vie réellement solitaire, dans une île réellement déserte et dont je m'étais plaint, devint mon lot. Moi qui l'avais si souvent injustement comparé avec la vie que je menais alors, qui, si j'avais persévéré, m'eût en toute probabilité conduite à une grande prospérité et à une grande richesse. J'avais à peu près décidé des mesures relatives à la conduite de ma plantation, avant que mon gracieux ami, le capitaine du vaisseau qui m'avait recueilli en mer, s'en retournât. Car son navire demeura environ 3 mois à faire son chargement et ses préparatifs de voyage. Lorsque je lui parlais du petit capital que j'avais laissé derrière moi à Londres, il me donna cet amical et sincère conseil. « Seigneur Inglès, me dit-il, car il m'appelait toujours ainsi, si vous voulez me donner, pour moi, une procuration en forme, et pour la personne dépositaire de votre argent à Londres, des lettres et des ordres d'envoyer vos fonds à Lisbonne, à telle personne que je vous désignerai, et en telles marchandises qui sont convenables à ce pays-ci, je vous les apporterai, si Dieu veut, à mon retour. Mais comme les choses humaines sont toutes sujettes aux revers et aux désastres, veuillez ne me remettre des ordres que pour 100 livres sterling, que vous dites être la moitié de votre fonds, et que vous hasarderez premièrement. Si bien que si cela arrive à bon port, vous pourrez ordonner du reste pareillement. Mais si cela échoue, vous pourrez, au besoin, avoir recours à la seconde moitié. » Ce conseil était salutaire et plein de considérations amicales. Je fus convaincu que c'était le meilleur parti à prendre. Et en conséquence, je préparai des lettres pour la dame à qui j'avais confié mon argent et une procuration pour le capitaine, ainsi qu'il le désirait. J'écrivis à la veuve du capitaine anglais une relation de toutes mes aventures. Mon esclavage, mon évasion, ma rencontre en mer avec le capitaine portugais, l'humanité de sa conduite, l'état dans lequel j'étais alors, avec toutes les instructions nécessaires pour la remise de mes fonds. Et, lorsque cet honnête capitaine fut arrivé à Lisbonne, il trouva moyen, par l'entremise d'un des Anglais négociant en cette ville, d'envoyer non seulement l'ordre, mais un récit complet de mon histoire à un marchand de Londres, qui le reporta si efficacement à la veuve que non seulement elle délivra mon argent, mais de sa propre cassette, elle envoya au capitaine portugais un très riche cadeau pour son humanité et sa charité envers moi. Le marchand de Londres convertit les 100 livres sterling en marchandises anglaises, ainsi que le capitaine le lui avait écrit, et il les lui envoya en droiture à Lisbonne, d'où il me les rapporta, toutes en bon état au Brésil. Parmi elles, sans ma recommandation, car j'étais trop novice en mes affaires pour y avoir songé, il avait pris soin de mettre toutes sortes d'outils, d'instruments de fer et d'ustensiles nécessaires pour ma plantation, qui me furent d'un grand usage. Je fus surprise agréablement quand cette cargaison arriva, et je crus ma fortune faite. Mon bon munitionnaire, le capitaine, avait dépensé les 5 livres sterling que mon ami lui avait envoyés en présent à me louer, pour le terme de 6 années, un serviteur qu'il m'amena, et il ne voulut rien accepter sans aucune considération, si ce n'est un peu de tabac que je l'obligeais à recevoir comme étant de ma propre récolte. Ce ne fut pas tout. Comme mes marchandises étaient toutes de manufacture anglaise, telles que draps, étoffes, flanelles et autres choses particulièrement estimées et recherchées dans le pays, je trouvai moyen de les vendre très avantageusement, si bien que je puis dire que je quadruplai la valeur de ma première cargaison et que je fus alors infiniment au-dessus de mon pauvre voisin quant à la prospérité de ma plantation, car la première chose que je fis, ce fut d'acheter un esclave nègre et de louer un serviteur européen. Un autre, veux-je dire, outre celui que le capitaine m'avait amené de Lisbonne. Mais le mauvais usage de la prospérité est souvent la vraie cause de nos plus grandes adversités. Il en fut ainsi pour moi. J'eus, l'année suivante, beaucoup de succès dans ma plantation. Je récoltai sur mon propre terrain 50 gros rouleaux de tabac, non compris ce que, pour mon nécessaire, j'en avais échangé avec mes voisins. Et ces 50 rouleaux, pesant chacun environ 100 livres, furent bien confectionnés et mis en réserve pour le retour de la flotte de Lisbonne. Alors, mes affaires et mes richesses s'augmentant, ma tête commença à être pleine d'entreprises au-delà de ma portée, semblables à celles qui souvent causent la ruine des plus habiles spéculateurs. Si je m'étais maintenu dans la position où j'étais alors, j'eusse pu m'attendre encore à toutes les choses heureuses pour lesquelles mon père m'avait si expressément recommandé une vie tranquille et retirée, et desquelles il m'avait si justement dit que la condition moyenne était remplie. Mais ce n'était pas là mon sort. Je devais être de rechef l'agent obstiné de mes propres misères. Je devais accroître ma faute et doubler les reproches que dans mes afflictions futures j'aurais le loisir de me faire. Toutes ces infortunes prirent leur source dans mon attachement manifeste et opiniâtre à ma folle inclination de courir le monde et dans mon abandon à cette passion, contrairement à la plus évidente perspective d'arriver à bien par l'honnête et simple poursuite de ce but et de ce genre de vie que la nature et la providence concouraient à m'offrir pour l'accomplissement de mes devoirs. Comme lors de ma rupture avec mes parents, de même alors je ne pouvais plus être satisfait. Et il fallait que je m'en allasse et que j'abandonnasse l'heureuse espérance que j'avais de faire bien mes affaires et de devenir riche dans ma nouvelle plantation, seulement pour suivre un désir téméraire et immodéré de m'élever plus promptement que la nature des choses ne l'admettait. Ainsi, je me replongeais dans le plus profond gouffre de misère humaine où l'homme puisse jamais tomber, et le seul peut-être qui lui laisse la vie et un état de santé dans le monde. Pour arriver maintenant par les degrés logiques aux particularités de cette partie de mon histoire, vous devez supposer qu'ayant alors vécu à peu près 4 années au Brésil et commençant à prospérer et à m'enrichir dans ma plantation, non seulement j'avais appris le portugais, mais que j'avais lié connaissance et amitié avec mes confrères les planteurs, ainsi qu'avec les marchands de San Salvador qui était notre port. Dans mes conversations avec eux, j'avais fréquemment fait le récit de mes 2 voyages sur la côte de Guinée, de la manière d'y trafiquer avec les nègres, et de la facilité d'y acheter pour des babioles, tels que des grains de collier, des breloques, des couteaux, des ciseaux, des haches, des verroteries et autres choses semblables, non seulement de la poudre d'or, des graines de Guinée, des dents d'éléphant, etc., mais des nègres pour le service du Brésil, et en grand nombre. Ils écoutaient toujours, très attentivement, mes discours sur ce chapitre, mais plus spécialement la partie où je parlais de la traite des nègres, trafic non seulement peu avancé à cette époque, mais qui, tel qu'il était, n'avait jamais été fait qu'avec la cientos, ou permission des rois d'Espagne et de Portugal, selon l'usage reçu du public. De sorte qu'on achetait peu de nègres et qu'ils étaient excessivement chers. Il advint qu'une fois, me trouvant en compagnie avec des marchands et des planteurs de ma connaissance, je parlais de tout cela passionnément. 3 d'entre eux vinrent auprès de moi le lendemain au matin et me dirent qu'ils avaient beaucoup songé à ce dont je m'étais entretenu avec eux la soirée précédente et qu'ils venaient me faire une secrète proposition. Ils me déclarèrent qu'après m'avoir recommandé la discrétion, qu'ils avaient le dessein d'équiper un vaisseau pour la côte de Guinée. « Nous avons tous, comme vous, des plantations, » ajoutèrent-ils. « Et nous n'avons rien tant besoin que d'esclaves, mais comme nous ne pouvons pas entreprendre ce commerce, puisqu'on ne peut vendre publiquement les nègres lorsqu'ils sont débarqués, nous ne désirons faire qu'un seul voyage pour en ramener secrètement et les répartir sur nos plantations. » En un mot, la question était que si je voulais aller à bord comme leur subrécarque pour diriger la traite sur la côte de Guinée, j'aurais ma portion contingente de nègres sans fournir ma quote-part d'argent. C'eût été une belle proposition, il faut en convenir. Si elle avait été faite à quelqu'un qui n'eût pas eu à gouverner un établissement et une plantation lui appartenant, en beau chemin de devenir considérable et d'un excellent rapport. Mais pour moi, qui étais ainsi engagé et établi, qui n'avais qu'à poursuivre, comme j'avais commencé pendant 3 ou 4 ans encore, et qu'à faire venir d'Angleterre mes autres 100 livres sterling restants, pour être alors, avec cette petite addition, à peu près possesseur de 3 ou 4 000 livres qui accroîtraient encore chaque jour, mais pour moi, dis-je, penser à un pareil voyage, c'était la plus absurde chose dont un homme placé en de semblables circonstances pouvait se rendre coupable. mais comme j'étais né pour être mon propre destructeur, il me fut aussi impossible de résister à cette offre qu'il me l'avait été de maîtriser mes premières idées vagabondes lorsque les bons conseils de mon père échouèrent contre moi. En un mot, je leur dis que j'irai de tout mon cœur s'ils voulaient se charger de conduire ma plantation durant mon absence et en disposer ainsi que je leur donnerais si je venais à faire naufrage. Ils me le promirent et ils s'y engagèrent par écrit ou par convention et je fis un testament formel disposant de ma plantation et de mes effets en cas de mort et instituant mon légataire universel, le capitaine de vaisseau qui m'avait sauvé la vie, comme je l'ai narré plus haut, mais l'obligeant à disposer de mes biens suivant que je l'avais prescrit dans mon testament, c'est-à-dire qu'il se réserverait pour lui-même une moitié de leurs produits et que l'autre moitié serait embarquée pour l'Angleterre. Bref, je pris toutes précautions possibles pour garantir mes biens et entretenir ma plantation. Si j'avais usé de moitié autant de prudence à considérer mon propre intérêt et à me former un jugement de ce que je devais faire ou ne pas faire, je ne me serais certainement jamais éloigné d'une entreprise aussi florissante. Je n'aurais point abandonné toutes les chances probables de m'enrichir. Pour un voyage sur mer où je serais exposé à tous les hasards communs, pour ne rien dire des raisons que j'avais de m'attendre à des infortunes personnelles. Mais j'étais entraîné, et j'obéis aveuglément à ce que me dictait mon goût, plutôt que ma raison. Le bâtiment étant équipé convenablement, la cargaison fournie, et toutes choses faites suivant l'accord par mes partenaires dans ce voyage, je m'embarquai à la malheur, le 1er septembre 1659. 8 ans après, jour pour jour, qu'à Hull, je m'étais éloigné de mon père et de ma mère pour faire le rebelle à leur autorité et le fou quant à mes propres intérêts. Notre vaisseau, d'environ 120 tonneaux, portait 6 canons et 14 hommes, non compris le capitaine, son valet et moi. Nous n'avions guère à bord d'autres cargaisons de marchandises que des quincailleries convenables pour notre commerce avec les nègres, tels que des grains de collier, des morceaux de verre, des coquilles, de méchantes babioles, surtout de petits miroirs, des couteaux, des ciseaux, des cogniers et autres choses semblables. Le jour même où j'allais à bord, nous mîmes à la voile, faisant route au nord le long de notre côte, dans le dessein de cingler vers celle d'Afrique, quand nous serions par les 10 ou 11 degrés de latitude septentrionale. C'était, à ce qu'il paraît, la manière de faire ce trajet à cette époque. Nous eûmes un fort bon temps, mais excessivement chaud, tout le long de notre côte jusqu'à la hauteur du cap Saint-Augustin, où, gagnant le large, nous perdîmes la terre de vue et gardâmes le cap, comme si nous voguions vers l'île Fernand de Noronha. Mais tenant notre course au nord-est car nord, nous laissâmes à l'est cet archipel. Après une navigation d'environ 12 jours, nous avions doublé la ligne et nous étions, suivant notre dernière estime, par les 7 degrés 22 minutes de latitude nord, quand un violent tourbillon ou un ouragan nous désorienta entièrement. Il commença du sud-est, tourna à peu près au nord-ouest et enfin se fixa au nord-est, d'où il se déchaîna d'une manière si terrible que pendant 12 jours de suite, nous ne fîmes que dériver, courant devant lui et nous laissant emporter partout où la fatalité et la furie des vents nous poussaient. Durant ces 12 jours, je n'ai pas besoin de dire que je m'attendais à chaque instant à être englouti. De fait, personne sur le vaisseau n'espérait sauver sa vie. Dans cette détresse, nous eûmes, outre la terreur de la tempête, un de nos hommes mort de la calenture et un matelot et le domestique emportés par une lame. Vers le 12e jour, le vent mollissant un peu, le capitaine prit hauteur, le mieux qu'il put, et estima qu'il était environ par les 11 degrés de latitude nord, mais qu'avec le cap Saint-Augustin, il avait 22 degrés de différence en longitude ouest. De sorte qu'il se trouva avoir gagné la côte de la Guyane, ou partie septentrionale du Brésil, au-delà du fleuve des Amazones, vers l'Orénoque, communément appelée la Grande Rivière. Alors, il commença à consulter avec moi sur la route qu'il devait prendre, car le navire faisait plusieurs voies d'eau et était tout à fait désemparé. Il opinait pour rebrousser directement vers les côtes du Brésil. J'étais d'un avis positivement contraire. Après avoir examiné avec lui les cartes des côtes maritimes de l'Amérique, nous conclûmes qu'il n'y avait point de pays habité où nous pourrions relâcher avant que nous eussions atteint l'archipel des Caraïbes. Nous résolûmes donc de faire voile vers la Barbade, où nous espérions, en gardant la haute mer pour éviter l'entrée du golfe du Mexique, pouvoir aisément parvenir en 15 jours de navigation, d'autant qu'il nous était impossible de faire notre voyage à la côte d'Afrique sans des secours, et pour notre vaisseau et pour nous-mêmes. Dans ce dessein, nous changeâmes de route, et nous gouvernâmes nord-ouest car ouest, afin d'atteindre une de nos îles anglaises, où je comptais recevoir quelque assistance. Mais il en devait être autrement, car par les 12 degrés 18 minutes de latitude, nous fûmes assaillis par une seconde tempête, qui nous emporta avec la même impétuosité vers l'ouest, et nous poussa si loin hors de toute route fréquentée, que si nos existences avaient été sauvées quant à la mer, nous aurions eu plutôt la chance d'être dévorés par les sauvages que celle de retourner en notre pays. En ces extrémités, le vent soufflait toujours avec violence, et à la pointe du jour, un de nos hommes s'écria « Terre !» À peine nous étions-nous précipités hors de la cabine pour regarder dans l'espoir de reconnaître en quel endroit du monde nous étions, que notre navire donna contre un banc de sable. Son mouvement étant ainsi subitement arrêté, la mer déferla sur lui d'une telle manière que nous nous attendîmes tous à périr sur l'heure, et que nous nous réfugiâmes vers le gaillard d'arrière pour nous mettre à l'abri de l'écume et des éclaboussures des vagues. Il serait difficile à quelqu'un qui ne se serait pas trouvé en une pareille situation de décrire ou de concevoir la consternation d'un équipage dans de telles circonstances. Nous ne savions ni où nous étions, ni vers quelle terre nous avions été poussés, ni si c'était une île ou un continent, ni si elle était habitée ou inhabitée. Et comme la fureur du vent était toujours grande, quoique moindre, nous ne pouvions pas même espérer que le navire demeurerait quelques minutes sans se briser en morceaux, à moins que les vents, par une sorte de miracle, ne changeassent subitement. En un mot, nous nous regardions les uns les autres, attendant la mort à chaque instant, et nous préparant tous pour un autre monde, car il ne nous restait rien ou que peu de choses à faire en celui-ci. Toute notre consolation présente, tout notre réconfort, c'était que le vaisseau, contrairement à notre attente, ne se brisait pas encore, et que le capitaine disait que le vent commençait à s'abattre. Bien que nous apercevant en effet que le vent s'était un peu apaisé, néanmoins notre vaisseau ainsi échoué sur le sable, étant trop engravé pour espérer de le remettre à flot, nous étions vraiment dans une situation horrible, et il ne nous restait plus qu'à songer à sauver notre vie du mieux que nous pourrions. Nous avions un canot à notre poupe avant la tourmente, mais d'abord il s'était défoncé à force de heurter contre le gouvernail du navire, et ensuite, ayant rompu ses amarres, il avait été englouti ou emporté au loin à la dérive. Nous ne pouvions donc pas compter sur lui. Nous avions bien encore une chaloupe à bord, mais la mettre à la mer était chose difficile. Cependant, il n'y avait pas à tergiverser, car nous nous imaginions à chaque minute que le vaisseau se brisait et même quelques-uns de nous affirmaient que déjà il était entrouvert. Alors, notre second se saisit de la chaloupe, et avec l'aide des matelots, elle fut lancée par-dessus le flanc du navire. Nous y descendîmes tous, nous abandonnant, 11 que nous étions, à la merci de Dieu et de la tempête. Car bien que la tourmente fût considérablement apaisée, la mer néanmoins s'élevait à une hauteur effroyable contre le rivage et pouvait bien être appelée « Den Wild Zee », la mer sauvage, comme les Hollandais l'appellent lorsqu'elle est orageuse. Notre situation était alors vraiment déplorable. Nous voyions tous pleinement que la mer était trop grosse pour que notre embarcation pût résister, et qu'inévitablement nous serions engloutis. Comment cingler? Nous n'avions pas de voile, et nous en aurions eu que nous n'en aurions rien pu faire. Nous nous mîmes à ramer vers la terre, mais avec le cœur gros et comme des hommes marchant au supplice. Aucun de nous n'ignorait que la chaloupe, en abordant, serait brisée en 1000 pièces par le choc de la mer. Néanmoins, après avoir recommandé nos âmes à Dieu de la manière la plus fervente, nous hâtâmes de nos propres mains notre destruction en ramant de toutes nos forces vers la terre, où déjà le vent nous poussait. Le rivage était-il du roc ou du sable? Était-il plat ou escarpé? Nous l'ignorions. Il ne nous restait qu'une faible lueur d'espoir. C'était d'atteindre une baie, une embouchure de fleuve, où, par un grand bonheur, nous pourrions faire entrer notre barque, l'abriter du vent, et peut-être même trouver le calme. Mais rien de tout cela n'apparaissait, et à mesure que nous approchions de la rive, la terre nous semblait plus redoutable que la mer. Après avoir ramé, ou plutôt dérivé pendant 1 lieue et demie à ce que nous jugions, une vague furieuse, s'élevant comme une montagne, vint, en roulant à notre arrière, nous annoncer notre coup de grâce. Bref, elle nous saisit avec tant de furie que d'un seul coup elle fit chavirer la chaloupe et nous en jeta loin, séparés les uns des autres, en nous laissant à peine le temps de dire « Oh, mon Dieu !» car nous fûmes tous engloutis en un moment. Rien ne saurait retracer quelle était la confusion de mes pensées lorsque j'allais au fond de l'eau. Quoique je nageasse très bien, il me fut impossible de me délivrer des flots pour prendre respiration. La vague, m'ayant porté, ou plutôt emporté, à une longue distance vers le rivage, et s'étant étalée et retirée, me laissa presque à sec, mais à demi étouffée par l'eau que j'avais avalée. Me voyant plus près de la terre ferme que je ne m'y étais attendu, j'eus assez de présence d'esprit et de force pour me dresser sur mes pieds et m'efforcer de gagner le rivage avant qu'une autre vague revînt et m'enlevât. Mais je sentis bientôt que c'était impossible, car je vis la mer s'avancer derrière moi, furieuse et aussi haute qu'une grande montagne. Je n'avais ni le moyen ni la force de combattre cet ennemi. Ma seule ressource était de retenir mon haleine et de m'élever au-dessus de l'eau, et en surnageant ainsi, de préserver ma respiration et de voguer vers la côte, s'il m'était possible. J'appréhendais par-dessus tout que le flot, après m'avoir transporté en venant vers le rivage, ne me rejetât dans la mer en s'en retournant. La vague, qui revint sur moi, m'ensevelit tout d'un coup, dans sa propre masse, à la profondeur de 20 ou 30 pieds. Je me sentais emporté avec une violence et une rapidité extrême à une grande distance du côté de la terre. Je retenais mon souffle et je nageais de toutes mes forces. Mais j'étais près d'étouffer, faute de respiration, quand je me sentis remonter. Et quand, à mon grand soulagement, ma tête et mes mains percèrent au-dessus de l'eau. Il me fut impossible de me maintenir ainsi plus de 2 secondes. Cependant, cela me fit un bien extrême en me redonnant de l'air et du courage. Je fus de rechef couvert d'eau assez longtemps, mais je tins bon. Et sentant que la lame étalait et qu'elle commençait à refluer, je coupai à travers les vagues et je repris pied. Pendant quelques instants, je demeurai tranquille pour prendre haleine et pour attendre que les eaux se fussent éloignées. Puis, alors, prenant mon élan, je courus à toutes jambes vers le rivage. Mais cet effort ne put me délivrer de la furie de la mer qui revenait fondre sur moi, et par deux fois les vagues m'enlevèrent, et comme précédemment, m'entraînèrent tout loin, le rivage étant tout à fait plat. La dernière de ces deux fois avait été bien près de m'être fatale, car la mer m'ayant emporté ainsi qu'auparavant, elle me mit à terre, ou plutôt elle me jeta contre un quartier de roc, et avec une telle force qu'elle me laissa évanouie, dans l'impossibilité de travailler à ma délivrance. Le coup ayant porté sur mon flanc et sur ma poitrine avait pour ainsi dire chassé entièrement le souffle de mon corps, et si je l'avais recouvré immédiatement, j'aurais étouffé dans l'eau. Mais il me revint un peu avant le retour des vagues, et voyant qu'elles allaient encore m'envelopper, je résolus de me cramponner au rocher et de retenir mon haleine jusqu'à ce qu'elles fussent retirées. Comme la terre était proche, les lames ne s'élevaient plus aussi haut, et je ne quittais point prise qu'elles ne se fussent abattues. Alors je repris ma course, et je m'approchai tellement de la terre que la nouvelle vague, quoiqu'elle me traversât, ne m'engloutit point assez pour m'entraîner. Enfin, après un dernier effort, je parvins à la terre ferme, où, à ma grande satisfaction, je gravis sur les rochers escarpés du rivage et m'assis sur l'herbe, délivré de tout péril et à l'abri de toute atteinte de l'océan. J'étais alors à terre et en sûreté sur la rive. Je commençai à regarder le ciel et à remercier Dieu de ce que ma vie était sauvée, dans un cas où, quelques minutes auparavant, il y avait à peine lieu d'espérer. Je crois qu'il serait impossible d'exprimer au vif ce que sont les extases et les transports d'une âme arrachée, pour ainsi dire, du plus profond de la tombe. Aussi ne suis-je pas étonné de la coutume d'amener un chirurgien pour tirer du sang au criminel à qui on apporte des lettres de surséance, juste au moment où, la corde serrée au cou, il est prêt de recevoir la mort. Afin que la surprise ne chasse point les esprits vitaux de son cœur et ne le tue point. Car le premier effet des joies et des afflictions soudaines est d'anéantir. Absorbé dans la contemplation de ma délivrance, je me promenais çà et là sur le rivage, levant les mains vers le ciel, faisant mille gestes et mille mouvements que je ne saurais décrire, songeant à tous mes compagnons qui étaient noyés, et que pas une âme n'avait dû être sauvée, excepté moi. Car je ne les revis jamais, ni eux, ni aucun vestige d'eux, si ce n'est trois chapeaux, un bonnet et deux souliers dépareillés. Alors je jetai les yeux sur le navire échoué, mais il était si éloigné et les brisants et l'écume de la lame étaient si forts qu'à peine pouvais-je le distinguer. Et je considérais, ô mon Dieu, comment il avait été possible que j'eusse atteint le rivage. Après avoir soulagé mon esprit par tout ce qu'il y avait de consolant dans ma situation, je commençai à regarder alentour de moi pour voir en quelle sorte de lieu j'étais et ce que j'avais à faire. Je sentis bientôt mon contentement diminuer et qu'en un mot, ma délivrance était affreuse car j'étais trempée et n'avais pas de vêtements pour me changer ni rien à manger ou à boire pour me réconforter. Je n'avais non plus d'autre perspective que celle de mourir de faim ou d'être dévoré par les bêtes féroces. Ce qui m'affligeait particulièrement, c'était de ne point avoir d'armes pour chasser et tuer quelques animaux pour ma subsistance, ou pour me défendre contre n'importe quelle créature qui voudrait me tuer pour la leur. Bref, je n'avais rien sur moi, qu'un couteau, une pipe à tabac, et un peu de tabac dans une boîte. C'était là toute ma provision. Aussi tombai-je dans une si terrible désolation d'esprit que pendant quelque temps, je courus çà et là, comme un insensé. À la tombée du jour, le cœur plein de tristesse, je commençai à considérer quel serait mon sort s'il n'y avait dans cette contrée des bêtes dévorantes, car je n'ignorais pas qu'elles sortent à la nuit pour rôder et chercher leur proie. La seule ressource qui s'offrit alors à ma pensée fut de monter à un arbre épais et touffu, semblable à un sapin, mais épineux, qui croissait près de là, et où je résolus de m'établir pour toute la nuit, laissant au lendemain à considérer de quelle mort il me faudrait mourir, car je n'entrevoyais encore nul moyen d'existence. Je m'éloignai d'environ un demi-quart de mille du rivage, afin de voir si je ne trouverais point d'eau douce pour étancher ma soif. À ma grande joie, j'en rencontrai. Après avoir bu, ayant mis un peu de tabac dans ma bouche pour prévenir la faim, j'allai à l'arbre, je montai dedans, et je tâchai de m'y placer de manière à ne pas tomber si je venais à m'endormir. Et pour ma défense, ayant coupé un bâton court, semblable à un gourdin, je pris possession de mon logement. Comme j'étais extrêmement fatigué, je tombai dans un profond sommeil, et je dormis confortablement, comme peu de personnes, je pense, l'eussent pu faire en ma situation. Et je m'en trouvai plus soulagé que je crois l'avoir jamais été dans une occasion de ce genre. Lorsque je m'éveillai, il faisait grand jour, le temps était clair, l'orage était abattu. La mer n'était plus ni furieuse, ni houleuse comme la veille. Mais quelle fut ma surprise en voyant que le vaisseau avait été, par l'élévation de la marée, enlevé pendant la nuit du banc de sable où il s'était engravé, et qu'il avait dérivé presque jusqu'au récif dont j'ai parlé plus haut, et contre lequel j'avais été précipité et meurtri. Il était environ à un mille du rivage, et comme il paraissait poser encore sur sa quille, je souhaitais d'aller à bord, afin de sauver au moins quelque chose nécessaire pour mon usage. Quand je fus descendu de mon appartement, c'est-à-dire de l'arbre, je regardai encore alentour de moi, et la première chose que je découvris fut la chaloupe, gisant sur la terre, où le vent et la mer l'avaient lancée, à environ 2 miles à ma droite. Je marchai le long du rivage, aussi loin que je pus pour y arriver. Mais ayant trouvé entre cette embarcation et moi un bras de mer qui avait environ un demi-mile de largeur, je rebroussai chemin, car j'étais alors bien plus désireux de parvenir au bâtiment où j'espérais trouver quelque chose pour ma subsistance. Un peu après midi, la mer était très calme et la marée si basse que je pouvais avancer jusqu'à 1/4 mile du vaisseau. Là, j'éprouvai un renouvellement de douleur, car je vis clairement que si nous fussions demeurés à bord, nous eussions tous été sauvés, c'est-à-dire que nous serions tous venus à terre sains et saufs, et que je n'aurais pas été si malheureux que d'être, comme je l'étais alors, entièrement dénué de toute société et de toute consolation. Ceci m'arracha de nouvelles larmes des yeux. Mais ce n'était qu'un faible soulagement, et je résolus d'atteindre le navire s'il était possible. Je me déshabillai, car la chaleur était extrême, et me mis à l'eau. Parvenu au bâtiment, la grande difficulté était de savoir comment monter à bord. Comme il posait sur terre et s'élevait à une grande hauteur hors de l'eau, il n'y avait rien à ma portée que je pusse saisir. J'en fis 2 fois le tour à la nage, et la seconde fois, j'aperçus un petit bout de cordage, que je fus étonné de n'avoir point vu d'abord, et qui pendait aux portes haubans de misaine, assez bas pour que je pusse l'atteindre, mais non sans grande difficulté. À l'aide de cette corde, je me hissai sur le gaillard d'avant. Là, je vis que le vaisseau était brisé, et qu'il y avait une grande quantité d'eau dans la cale, mais qu'étant posé sur les accores d'un banc de sable ferme, ou plutôt de terre, il portait la poupe extrêmement haut et la proue si bas qu'elle était presque à fleur d'eau, de sorte que l'arrière était libre et que tout ce qu'il y avait dans cette partie était sec. on peut bien être assuré que ma première besogne fut de chercher à voir ce qui était avarié et ce qui était intact. Je trouvai d'abord que toutes les provisions du vaisseau étaient en bon état et n'avaient point souffert de l'eau. Et me sentant fort disposé à manger, j'allai à la soute au pain où je remplis mes poches de biscuits que je mangeai en m'occupant à autre chose, car je n'avais pas de temps à perdre. Je trouvai aussi du rhum dans la grande chambre. J'en bus un long trait, ce qui, en vérité, n'était pas trop pour me donner du cœur à l'ouvrage. Alors il ne me manquait plus rien qu'une barque pour me munir de bien des choses que je prévoyais devoir mettre fort essentielles. Il était superflu de demeurer oisif à souhaiter ce que je ne pouvais avoir. La nécessité éveilla mon industrie. Nous avions à bord plusieurs vergues, plusieurs mâts de hune de rechange et deux ou trois espars doubles. Je résolus de commencer par cela à me mettre à l'œuvre et j'élinguai hors du bord tout ce qui n'était point trop pesant, attachant chaque pièce avec une corde pour qu'elle ne pût pas dériver. Quand ceci fut fait, je descendis à côté du bâtiment et les tirant à moi, je liai fortement ensemble quatre de ces pièces par les deux bouts, le mieux qu'il me fut possible, pour en former un radeau. Ayant posé en travers trois ou quatre bouts de bordage, je sentis que je pouvais très bien marcher dessus, mais qu'il ne pourrait pas porter une forte charge à cause de sa légèreté. Je me remis donc à l'ouvrage, et avec la scie du charpentier, je coupai en trois, sur la longueur, un mât de hune, et l'ajoutai à mon radeau avec beaucoup de travail et de peine. Mais l'espérance de me procurer le nécessaire me poussait à faire bien au-delà de ce que j'aurais été capable d'exécuter en toute autre occasion. Mon radeau était alors assez fort pour porter un poids raisonnable. Il ne s'agissait plus que de voir de quoi je le chargerais et comment je préserverais ce chargement du ressac de la mer. J'eus bientôt pris ma détermination. D'abord, je mis tous les bordages et toutes les planches que je pus atteindre. Puis, ayant bien songé à ce dont j'avais le plus besoin, je pris premièrement trois coffres de matelots que j'avais forcés et vidés, et je les descendis sur mon radeau. Le premier, je le remplis de provisions, savoir du pain, du riz, trois fromages de Hollande, cinq pièces de viande de chèvre séchée, dont l'équipage faisait sa principale nourriture, et un petit reste de blé d'Europe, mis à part pour quelques poules que nous avions embarquées et qui avaient été tuées. Il y avait aussi à bord un peu d'orge et de froment mêlés ensemble, mais je m'aperçus, à mon grand désappointement, que ces grains avaient été mangés ou gâtés par les rats. Quant au liqueur, je trouvai plusieurs caisses de bouteilles appartenant à notre patron, dans lesquelles étaient quelques eaux cordiales, et enfin environ 5 ou 6 gallons d'arak, mais je les arrimai séparément parce qu'il n'était pas nécessaire de les mettre dans le coffre, et que d'ailleurs il n'y avait plus de place pour elles. Tandis que j'étais occupé à ceci, je remarquai que la marée, quoique très calme, commençait à monter, et j'eus la mortification de voir flotter au large mon juste au corps, ma chemise et ma veste que j'avais laissées sur le sable du rivage. Quant à mon haut de chausse, qui était seulement de toile et ouvert aux genoux, je l'avais gardé sur moi ainsi que mes bas pour nager jusqu'à bord. Quoi qu'il en soit, cela m'obligea d'aller à la recherche de Hard. J'en trouvai suffisamment, mais je ne pris que ce dont j'avais besoin pour le présent. Car il y avait d'autres choses que je convoitais bien davantage, telles que des outils pour travailler à terre. Ce ne fut qu'après une longue quête que je découvris le coffre du charpentier, qui fut alors, en vérité, une capture plus profitable et d'une bien plus grande valeur pour moi que ne l'eût été un plein vaisseau d'or. Je le descendis sur mon radeau tel qu'il était, sans perdre mon temps à regarder dedans, car je savais en général ce qu'il contenait. Je pensais ensuite aux munitions et aux armes. Il y avait dans la grande chambre deux très bons fusils de chasse et deux pistolets. Je les mis d'abord en réserve avec quelques poires à poudre, un petit sac de menu plomb et deux vieilles épées rouillées. Je savais qu'il existait à bord trois barils de poudre, mais j'ignorais où notre canonnier les avait rangés. Enfin, je les trouvais, après une longue perquisition. Il y en avait un qui avait été mouillé. Les deux autres étaient secs et en bon état, et je les mis avec les armes sur mon radeau. Me croyant alors assez bien chargé, je commençais à songer comment je devais conduire tout cela au rivage, car je n'avais ni voile, ni aviron, ni gouvernail, et la moindre bouffée de vent pouvait submerger tout mon équipage. Trois choses relevaient mon courage. 1. Une mer calme et unie. 2. La marée montante et portant à la terre. 3. Le vent, qui, tout faible qu'il était, soufflait vers le rivage. Enfin, ayant trouvé deux ou trois rames rompues appartenant à la chaloupe et deux scies, une hache et un marteau, en outre des outils qui étaient dans le coffre, je me mis en mer avec ma cargaison. Jusqu'à un mile ou environ, mon radeau alla très bien. Seulement, je m'aperçus qu'il dérivait un peu au-delà de l'endroit où d'abord j'avais pris terre. Cela me fit juger qu'il y avait là un courant d'eau et me fit espérer, par conséquent, de trouver une crique ou une rivière dont je pourrais faire usage comme d'un port pour débarquer mon chargement. La chose était ainsi que je l'avais présumé. Je découvris devant moi une petite ouverture de terre et je vis la marée qui s'y précipitait. Je gouvernai donc mon radeau du mieux que je pus pour le maintenir dans le milieu du courant. Mais là, je faillis faire un second naufrage qui, s'il fût advenu, m'aurait à coup sûr brisé le cœur. Cette côte m'étant tout à fait inconnue, j'allais toucher d'un bout de mon radeau sur un banc de sable, et comme l'autre bout n'était point ensablé, peu s'en fallut que toute ma cargaison ne glissât et ne tombât dans l'eau. Je fis tout mon possible, en appuyant mon dos contre les coffres pour les retenir à leur place, car tous mes efforts eussent été insuffisants pour repousser le radeau. Je n'osais pas d'ailleurs quitter la posture où j'étais. Soutenant ainsi les coffres de toutes mes forces, je demeurai dans cette position près d'une demi-heure, durant laquelle la crue de la marée vint me remettre un peu plus de niveau. L'eau s'élevant toujours, quelque temps après, mon radeau surnagea de nouveau. Et, avec la rame que j'avais, je le poussai dans le chenal. Lorsque j'eus été drossé plus haut, je me trouvai enfin à l'embouchure d'une petite rivière, entre deux rives, sur un courant ou flux rapide qui remontait. Cependant, je cherchais des yeux, sur l'un et l'autre bord, une place convenable pour prendre terre, car espérant avec le temps apercevoir quelques navires en mer, je ne voulais pas me laisser entraîner trop avant, et c'est pour cela que je résolus de m'établir aussi près de la côte que je le pourrais. Enfin, je découvris une petite anse sur la rive droite de la crique, vers laquelle, non sans beaucoup de peine et de difficulté, je conduisis mon radeau. J'en approchai si près que, touchant le fond avec ma rame, j'aurais pu l'y pousser directement. Mais le faisant, je courais de nouveau le risque de submerger ma cargaison, parce que la côte était escarpée, ou tout au moins en pente assez raide, et qu'il n'y avait pas une place pour aborder. Ou, si l'extrémité de mon radeau eût porté à terre, il n'eût été élevé aussi haut et incliné aussi bas de l'autre côté que la première fois, et n'eût mis encore mon chargement en danger. Tout ce que je pus faire, ce fut d'attendre que la marée fût à sa plus grande hauteur, me servant d'un aviron en guise d'ancre pour retenir mon radeau et l'appuyer contre le bord, proche d'un terrain plat que j'espérais voir inondé, ce qui arriva effectivement. Sitôt que je trouvai assez d'eau, mon radeau tirait environ un pied, je le poussais sur le terrain plat, ou je l'attachais, ou amarrais en fichant dans la terre mes deux rames brisées, l'une d'un côté près d'un bout, l'autre du côté opposé près de l'autre bout. Et je demeurais ainsi, jusqu'à ce que le jusant eût laissé en sûreté sur le rivage mon radeau et toute ma cargaison. Ensuite, ma première occupation fut de reconnaître le pays et de chercher un endroit favorable pour ma demeure et pour ranger mes bagages et les mettre à couvert de tout ce qui pourrait advenir. J'ignorais encore où j'étais. Était-ce une île ou le continent ? Était-ce habité ou inhabité ? Étais-je ou n'étais-je pas en danger des bêtes féroces ? À un mile de moi, au plus, il y avait une montagne très haute et très escarpée qui semblait en dominer plusieurs autres dont la chaîne s'étendait au nord. Je pris un demi-fusil de chasse, un demi-pistolet et une poire à poudre, et armé de la sorte, je m'en allai à la découverte sur cette montagne. Après avoir, avec beaucoup de peine et de difficulté, gravi sur la cime, je compris, à ma grande affliction, ma destinée. C'est-à-dire que j'étais dans une île au milieu de l'océan, d'où je n'apercevais d'autres terres que des récifs fort éloignés et deux petites îles moindres que celles où j'étais, situées à 3 lieues environ vers l'ouest. Je reconnus aussi que l'île était inculte et que vraisemblablement elle n'était habitée que par des bêtes féroces. Pourtant, je n'en apercevais aucune. Mais en revanche, je voyais quantité d'oiseaux dont je ne connaissais pas l'espèce. Je n'aurais pas même pu, lorsque j'en aurais tué, distinguer ceux qui étaient bons à manger de ceux qui ne l'étaient pas. En revenant, je tirai sur un gros oiseau que je vis se poser sur un arbre au bord d'un grand bois. C'était, je pense, le premier coup de fusil qui eût été tiré en ce lieu depuis la création du monde. Je n'eus pas plutôt fait feu que de toutes les parties du bois, il s'éleva un nombre innombrable d'oiseaux de diverses espèces, faisant une rumeur confuse et criant chacun selon sa note accoutumée. Pas un d'eux n'était d'une espèce qui me fût connue. Quant à l'animal que je tuais, je le pris pour une sorte de faucon. Il en avait la couleur et le bec, mais non pas les serres ni les éperons. Sa chair était puante et ne valait absolument rien. Me contentant de cette découverte, je revins à mon radeau et me mis à l'ouvrage pour le décharger. Cela me prit tout le reste du jour. Que ferais-je de moi la nuit ? Où reposerais-je ? En vérité, je l'ignorais, car je redoutais de coucher à terre, ne sachant si quelque bête féroce ne me dévorerait pas. Comme j'ai eu lieu de le reconnaître depuis, ces craintes étaient réellement mal fondées. Néanmoins, je me barricadai aussi bien que je pus avec les coffres et les planches que j'avais apportées sur le rivage, et je me fis une sorte de hutte pour mon logement de cette nuit-là. Quant à ma nourriture, je ne savais pas encore comment j'y supplérais, si ce n'est que j'avais vu 2 ou 3 animaux semblables à des lièvres s'enfuir hors du bois où j'avais tiré sur l'oiseau. Alors, je commençai à réfléchir que je pourrais encore enlever du vaisseau bien des choses qui me seraient fort utiles, particulièrement des cordages et des voiles et autres objets qui pourraient être transportés. Je résolus donc de faire un nouveau voyage à bord si c'était possible. Et, comme je n'ignorais pas que la première tourmente qui soufflerait briserait nécessairement le navire en 1000 pièces, je renonçai à rien entreprendre jusqu'à ce que j'en eusse retiré tout ce que je pourrais en avoir. Alors je tins conseil, en mes pensées veux-je dire, pour décider si je me resservirais du même radeau. Cela me parut impraticable. Aussi me déterminai-je à y retourner comme la première fois, quand la marée serait basse, ce que je fis. Seulement, je me déshabillai avant de sortir de ma hutte, ne conservant qu'une chemise rayée, une paire de brais de toile et des sandales. Je me rendis pareillement à bord et je préparai un second radeau. Ayant eu l'expérience du premier, je fis celui-ci plus léger et je le chargeai moins pesamment. J'emportai toutefois quantité de choses d'une très grande utilité pour moi. Premièrement, dans la soute au rechange du maître charpentier, je trouvai deux ou trois sacs pleins de pointes et de clous, une grande tarière, une douzaine ou deux de haches, et de plus, cette chose d'un si grand usage nommée meule à aiguiser. Je mis tout cela à part et j'y réunis beaucoup d'objets appartenant au canonnier, nommément deux ou trois leviers de fer, deux barils de balles de mousquet, sept mousquets, un troisième fusil de chasse, une petite quantité de poudre, un gros sac plein de cendrées et un grand rouleau de feuilles de plomb. Mais ce dernier était si pesant que je ne pus le soulever pour le faire passer par-dessus le bord. En outre, je pris une voile de rechange du petit hunier, un hamac, un coucher complet et tous les vêtements que je pus trouver. Je chargeai donc mon second radeau de tout ceci, que j'amenai sain et sauf sur le rivage, à ma très grande satisfaction. Durant mon absence, j'avais craint que, pour le moins, mes provisions ne fussent dévorées. Mais, à mon retour, je ne trouvai aucune trace de visiteur. Seulement un animal, semblable à un chat sauvage, était assis sur un des coffres. Lorsque je m'avançai vers lui, il s'enfuit à une petite distance, puis s'arrêta tout court. Et s'asseyant, très calme et très insouciant, il me regarda en face, comme s'il eût eu envie de lier connaissance avec moi. Je le mis en joue. Mais comme il ne savait pas ce que cela signifiait, il y resta parfaitement indifférent, sans même faire mine de s'en aller. Sur ce, je lui jetai un morceau de biscuit, bien que, certes, je n'en fusse pas fort prodigue, car ma provision n'était pas considérable. N'importe, je lui donnai ce morceau. Et il s'en approcha, le flaira, le mangea, puis me regarda d'un air d'aise pour en avoir encore. Mais je le remerciai, ne pouvant lui en offrir davantage. Alors il se retira. Ma seconde cargaison ayant gagné la terre, encore que j'eusse été contraint d'ouvrir les barils et d'en emporter la poudre par paquet, car c'était de gros tonneaux fort lourds, je me mis à l'ouvrage pour me faire une petite tente avec la voile et des perches que je coupai à cet effet. Sous cette tente, je rangeai tout ce qui pouvait se gâter à la pluie ou au soleil, et j'empilai en cercle, alentour, tous les coffres et tous les barils vides, pour la fortifier contre toute attaque soudaine, soit d'homme, soit de bête. Cela fait, je barricadai en dedans avec des planches la porte de cette tente, et en dehors avec une caisse vide posée debout. Puis j'étendis à terre un de mes couchers. Plaçant mes pistolets à mon chevet et mon fusil à côté de moi, je me mis au lit pour la première fois et dormis très paisiblement toute la nuit, car j'étais accablé de fatigue. Je n'avais que fort peu reposé la nuit précédente, et j'avais rudement travaillé tout le jour, tant à aller quérir à bord toutes ces choses qu'à les transporter à terre. J'avais alors le plus grand magasin d'objets de toutes sortes, qui sans doute eût jamais été amassé pour un seul homme. Mais je n'étais pas satisfait encore. Je pensais que tant que le navire resterait à l'échouage, il était de mon devoir d'en retirer tout ce que je pourrais. Chaque jour, donc, j'allais à bord à marée basse, et je rapportais une chose ou une autre. Nommément, la troisième fois que je m'y rendis, j'enlevai autant d'agrès qu'il me fut possible. Tous les petits cordages et le fil à voile. Une pièce de toile de réserve pour raccommoder les voiles au besoin. Et le baril de poudre mouillée. Bref, j'emportais toutes les voiles, depuis la première jusqu'à la dernière. Seulement, je fus obligé de les couper en morceaux pour en apporter à la fois autant que possible. D'ailleurs, ce n'était plus comme voilure, mais comme simple toile qu'elle devait servir. Ce qui me fit le plus de plaisir, ce fut qu'après cinq ou six voyages semblables, Et lorsque je pensais que le bâtiment ne contenait plus rien qui valût la peine que j'y touchasse, je découvris une grande barrique de biscuits, 3 gros barils de rhum ou de liqueur forte, une caisse de sucre et un baril de fines fleurs de farine. Cela m'étonna beaucoup, parce que j'avais renoncé à trouver d'autres provisions que celles avariées par l'eau. Je vidai promptement la barrique de biscuits. J'en fis plusieurs parts, que j'enveloppai dans quelques morceaux de voile que j'avais taillés. Et, en un mot, j'apportai encore tout cela, heureusement, à terre. Le lendemain, je fis un autre voyage. Comme j'avais dépouillé le vaisseau de tout ce qui était d'un transport facile, je me mis après les câbles. Je coupai celui de grande touée en morceaux proportionnés à mes forces, et j'en amassai 2 autres, ainsi qu'une haussière et tous les ferrements que je pus arracher. Alors je coupai la vergue de civadière et la vergue d'artimon, et tout ce qui pouvait me servir à faire un grand radeau, pour charger tous ces pesants objets, et je partis. Mais ma bonne chance commençait alors à m'abandonner. Ce radeau était si lourd et tellement surchargé qu'ayant donné dans la petite anse où je débarquais mes provisions, et ne pouvant pas le conduire aussi adroitement que j'avais conduit les autres, il chavira et me jeta dans l'eau avec toute ma cargaison. Quant à moi-même, le mal ne fut pas grand car j'étais proche du rivage, mais ma cargaison fut perdue en grande partie, surtout le fer, que je comptais devoir mettre d'un si grand usage. Néanmoins, quand la marée se fut retirée, je portai à terre la plupart des morceaux de câble et quelque peu du fer, mais avec une peine infinie, car pour cela je fus obligé de plonger dans l'eau, travail qui me fatiguait extrêmement. Toutefois, je ne laissai pas chaque jour de retourner à bord et d'en rapporter tout ce que je pouvais. Il y avait alors 13 jours que j'étais à terre. J'étais allé 11 fois à bord du vaisseau, et j'en avais enlevé, durant cet intervalle, tout ce qu'il était possible à un seul homme d'emporter. Et je crois vraiment que si le temps calme eût continué, j'aurais amené tout le bâtiment pièce à pièce. Comme je me préparais à aller à bord pour la 12e fois, je sentis le vent qui commençait à se lever. Néanmoins, à la marée basse, je m'y rendis. Et quoique je pensasse à savoir parfaitement fouiller la chambre du capitaine et que je n'y crusse plus rien rencontrer, je découvris pourtant un meuble garni de tiroirs, dans l'un desquels je trouvai 2 ou 3 rasoirs, une paire de grands ciseaux et une douzaine environ de bons couteaux et de fourchettes. Puis dans un autre, la valeur au moins de 36 livres sterling en espèces d'or et d'argent, soit européennes, soit brésiliennes, et entre autres quelques pièces de 8. À la vue de cet argent, je souris en moi-même et je m'écriai : « Oh, drogue, à quoi es-tu bonne ? Tu ne vaux pas pour moi, non, tu ne vaux pas la peine que je me baisse pour te prendre. Un seul de ces couteaux est plus pour moi que cette somme. Je n'ai nul besoin de toi. Demeure donc où tu es et va au fond de la mer, comme une créature qui ne mérite pas qu'on la sauve. » Je me ravisai cependant. Je le pris. Et, l'ayant enveloppé avec les autres objets dans un morceau de toile, je songeai à faire un nouveau radeau. Sur ces entrefaites, je m'aperçus que le ciel était couvert et que le vent commençait à fraîchir. Au bout d'un quart d'heure, il souffla un bon frais de la côte. Je compris de suite qu'il était inutile d'essayer à faire un radeau avec une brise venant de terre, et que mon affaire était de partir avant qu'il y eût du flot, qu'autrement je pourrais bien ne jamais revoir le rivage. Je me jetai donc à l'eau, et je traversai à la nage le chenal ouvert entre le bâtiment et les sables, mais avec assez de difficulté, à cause des objets pesants que j'avais sur moi et du clapotage de la mer. Car le vent força si brusquement que la tempête se déchaîna avant même que la marée fût haute. Mais j'étais déjà rentré chez moi, dans ma petite tente, et assis en sécurité au milieu de toute ma richesse. Il fit un gros temps toute la nuit, et le matin, quand je regardais en mer, le navire avait disparu. Je fus un peu surpris. Mais je me remis aussitôt par cette consolante réflexion que je n'avais point perdu de temps, ni épargné aucune diligence pour en retirer tout ce qui pouvait m'être utile. Et qu'en fait, il y était resté peu de choses que j'eusse pu transporter, quand même j'aurais eu plus de temps. Dès lors, je détournai mes pensées du bâtiment et de ce qui pouvait en provenir, sans renoncer toutefois aux débris qui viendraient à dériver sur le rivage, comme en effet il en dériva dans la suite, mais qui furent pour moi de peu d'utilité.